Monsieur X était en retard. Et devant la porte close de cette société d'import-export où nous avons depuis si longtemps nos habitudes, j'avoue que j'ai éprouvé quelque appréhension. Si un soir, Monsieur X ne venait pas à notre rendez-vous, je n'aurais aucune chance de le retrouver. Je ne connais pas son nom, encore moins son adresse. Je sais en fait si peu de choses sur lui. Je dois peut-être donc m'attendre à tout moment à ce qu'il disparaisse de ma vie et mettre fin à ses entretiens puisque ses rendez-vous ne dépendent que de son bon vouloir. Il est enfin arrivé, un peu essoufflé. Il a tout de suite noté mon inquiétude et il s'en est amusé un peu cruellement. « N'oubliez pas que je suis un vieil homme », m'a-t-il dit. Puis il a ajouté « J'ai eu un souci de dernière minute, rien de très grave, encore que... » Nous sommes entrés. Les locaux étaient déserts, bien entendu, la nuit était tombée depuis longtemps. Nous n'entendions que le murmure de la ville. Silencieux, M. X semblait réellement préoccupé. Je n'osais pas l'interroger tout de suite. Après quelques instants, il s'est assis et il a posé familièrement ses coudes sur la table, comme pour m'inviter à le rejoindre. Et il m'a enfin confié qu'il avait reçu un coup de téléphone d'un ami arabe, un Palestinien, un proche, très proche d'Arafat, membre de ses services de sécurité. Là-bas, m'a-t-il dit, ça va de mal en pis. Le vieux a de plus en plus de difficultés à contenir les gens du Hamas et Netanyahou n'arrange rien. Bien au contraire, il joue avec le feu. La Palestine risque de s'embraser d'un jour à l'autre. Nous avons ainsi devisé longuement sur la situation au Proche-Orient. Et c'est ainsi qu'il en est peu à peu venu à me parler de ses propres activités dans cette région du monde, toujours très agitée. M. X m'a en effet affirmé qu'il avait souvent été amené à s'occuper des affaires du Proche-Orient. Et déjà, à plusieurs reprises, il est vrai qu'il a fait la preuve au cours de nos entretiens de sa parfaite connaissance de la région et du Liban en particulier. Ce soir-là, M. X a choisi d'évoquer les années les plus troublées du Proche-Orient, les années d'après-guerre, marquées par la création de l'État d'Israël et de la Jordanie, mais aussi par la première guerre entre Juifs et Arabes. La lecture de ces événements par mon interlocuteur est loin d'être conformiste, je vous le promets. Nous le retrouvons dans un instant pour ce nouveau dossier, ponctué d'assassinats, de coups d'État et de massacres. Elle reviendra à la tombée du jour. Je mettrai mes gants blancs, c'est mon style différent de tous les autres. Hey, ça lui plaît et nous danserons cha cha cha. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'Orient, compliqué, a dit le général. Mmh. Il serait peut-être moins compliqué si les grandes puissances n'avaient cessé d'en faire le champ clos de leur rivalité et de leurs ambitions. Là, vous dites les grandes puissances, là, toutes les grandes puissances? Les États-Unis, oui, l'Angleterre aussi, l'URSS, peut-être moins. En tout cas, dans ces années d'après-guerre, Staline avait déjà fort à faire ailleurs, en Europe de l'Est et puis aussi en Extrême-Orient. Et la France, alors? Bon, la France, vous le savez bien, a été proprement éliminée par les Anglais. Vous voulez parler de notre protectorat sur la Syrie, hein? Oui, à la faveur de la guerre, ils nous ont virés. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que Londres a toujours considéré les pays arabes comme sa chasse gardée. Rappelez-vous Laurence. Laurence d'Arabie. Oui. C'est lui qui a incité les grands féodaux arabes à se révolter contre les Turcs. Son rêve, c'était de créer un immense royaume arabe unifié. Un royaume à la solde de la Grande-Bretagne, naturellement. Un autre personnage a joué un rôle considérable, souvent occulte. Okay, oui. Un certain Filby, Saint John Filby. Et il est parent avec le célèbre espion? C'était son père. Ouais. Tel père, tel fils, hein? C'est à peu près ça. Parce qu'après avoir été un fidèle serviteur de l'Angleterre et aidé Ibn Saoud à conquérir l'Arabie, il va retourner sa veste et favoriser les intérêts américains dans la région. Mais pourquoi les Anglais s'intéressent-ils tant aux pays arabes? Le pétrole, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Ouais. Le Proche-Orient se trouve sur la route des Indes. Et les Indes sont encore anglaises. D'où l'importance de contrôler, par exemple, le canal de Suez, lieu de passage obligé pour tous les navires sur la route des Indes et de l'Iran. L'Iran, où ce sont les Anglais qui exploitent le pétrole. Oui, l'anglo-iranienne. Vous vous souvenez de l'affaire Mossadegh? Bien entendu, oui. Bon, j'ajoute que le droit de passage sur le canal de Suez représentait des bénéfices considérables pour la Grande-Bretagne. Vous voyez donc que les intérêts anglais étaient multiples. Mais pour bien comprendre, il faudrait revenir un petit peu en arrière. Allez-y, oui. Les Anglais, en particulier grâce à Laurence, ont donc réussi à démanteler l'Empire turc. Tout de suite après la cessation des hostilités de la Première Guerre mondiale, ils veulent organiser la région à leur profit. Et pour cela, ils misent sur la dynastie hachémite. Mais pardon, d'où vient ce nom, la hachémite? De Hachim, le propre grand-père de Mahomet. Les Hachimites sont traditionnellement les gardiens des lieux saints. Et lors de la révolte contre les Turcs, ils ont joué un rôle éminent. Et qui est alors le chef de la dynastie? Le shérif Hussein el-Hachimi. Et quel est... Vous avez parlé d'une organisation prévue par les Anglais, là. Hussein doit naturellement recevoir le califat, c'est-à-dire qu'il va régner sur une partie de l'actuelle Arabie Saoudite. Et ses fils, selon un plan conçu par Laurence, vont chacun être mis à la tête d'un royaume créé pour l'occasion. La Syrie pour Faisal, la Mésopotamie pour Abdallah, le Hedjaz pour Ali. Malheureusement pour Laurence, les choses ne vont pas tout à fait se passer de cette façon-là. Mais pour quelle raison? En partie à cause de ce Filby dont je vous ai déjà parlé. Ce grand rival de Laurence en tient, lui, pour un autre grand féodal. Oui, son ami Ibn Saoud. Exactement, ouais. Ce qui veut dire, entre parenthèses, qu'au Colonial Office anglais, on pataugeait un peu. Et pourtant, c'était Churchill qui dirigeait cet organisme. Bref, Ibn Saoud chasse Hussein et les Anglais doivent procéder à une redistribution des cartes. C'est-à-dire? Je vais vite parce qu'il faudra aussi parler de l'intervention des Français, mais ce serait trop compliqué. Au final, Faisal se voit attribuer le royaume de Mésopotamie qui va devenir l'Irak. Et on crée provisoirement, à l'intention de son frère Abdallah, un émirat nouveau, la Transjordanie. Qui est en fait la Jordanie actuelle. Hein? Oui, mais à l'époque, c'est un modeste territoire qui regroupe à peine 300 000 habitants, des bédouins nomades pour la plupart. Petite compensation donc. Et les deux autres, là, le père et le troisième frère? Ce dernier est chassé par Ibn Saoud qui s'empare du Hedjaz. Quant à Hussein, il a dû s'enfuir et il a abdiqué. Ouais. Ces deux rois, donc là, Faisal et Abdallah, sont... complètement sous influence anglaise. Tout à fait. Ce sont des créatures des Anglais, et payées par les Anglais d'ailleurs. Payées? Oui. L'essentiel du budget de ces États fantoches est assuré par la puissance coloniale qui les surveille ainsi étroitement. Pendant très longtemps, par exemple, l'armée jordanienne, la fameuse Légion arabe, sera commandée par un Anglais. Ah oui, Glob Pacha. Lui-même, ouais. John Bagot Glob. Abdallah était donc un pion dans la main de la Grande-Bretagne. Oui, oui, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir de l'ambition. Abdallah, jusqu'à sa mort tragique, n'a jamais cessé de rêver à la création d'une grande Syrie qui aurait englobé la Syrie, la Transjordanie, la Palestine et le Liban. Une grande Syrie qui aurait été dirigée, bien entendu, par un souverain hachémite. Mais lui, évidemment. Il faut dire que cet Abdallah, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, était un personnage assez curieux. Racontez. Eh bien, il cachait sous des allures volontiers désinvoltes de bons vivants. Son harem était célèbre dans tout l'Orient. Un vrai caractère de chef d'État, et c'était aussi un remarquable joueur d'échecs, au sens propre comme au sens figuré. Il avait d'ailleurs imaginé une curieuse méthode pour faire connaître sa pensée politique. Expliquez-moi ça. Aussitôt qu'il avait fait une déclaration importante devant des journalistes, par exemple, il s'empressait aussitôt de la démentir officiellement. Comme cela, il était sûr de ne pas être attaqué pour son franc-parler. Mais il avait néanmoins fait savoir ce qu'il pensait. Mais ça a un effet assez original. C'était réellement un personnage original. Oui. Mais est-ce que pour autant il pouvait mener une politique autonome s'il était aussi étroitement surveillé, contrôlé par les Anglais ? Une politique vraiment autonome ? Peut-être pas. Mais peu à peu, Abdallah a su se rendre indispensable aux yeux des Anglais. Ça, c'est considérable. Et comment a-t-il fait alors ? Très tôt, Abdallah établit des relations secrètes avec les sionistes. Et sur ordre des Anglais ? Vraisemblablement, puisque Philby, encore lui, est associé. Mais quel est le but poursuivi par les Anglais là ? Depuis la déclaration Balfour sur la création d'un foyer juif en Palestine, l'immigration juive progresse considérablement. Et ça, c'est dans les années 20-30. Oui, hein, ouais. Oui, des juifs qui fuient en particulier les persécutions nazies. Et ça ne va pas sans poser des difficultés sérieuses avec les Palestiniens qui habitent ce pays depuis des siècles. En 1936, par exemple, des incidents très graves éclatent entre les deux communautés. Oui, mais le rôle d'Adam oui, dans tout ça. Il va essayer de jouer le rôle d'intermédiaire. Mm-hmm. Entre les sionistes et les Palestiniens, alors. Des Palestiniens qui sont poussés à la révolte par le grand mufti de Jérusalem, Hajj Amin al-Husseini, qui est à la fois l'adversaire des Juifs et de la colonisation anglaise. Situation délicate pour Abdallah, alors. Oui et non. Abdallah est accusé par certains de collusion avec l'ennemi sioniste. Mais lui, n'oublions pas qu'il y a derrière lui les Anglais, il poursuit un autre but. Il veut mettre la main sur la Palestine. Une Palestine où Juifs et Arabes vivraient en paix. Et qui serait sous domination anglaise. Naturellement, car plus que jamais, Londres veut éviter l'embrasement, mais surtout préserver par tous les moyens ses intérêts stratégiques dans la région, quitte à compromettre Abdallah. Thank you. L'émir Abdallah, devenu roi de Transjordanie en 1946, puis roi de Jordanie, a manifestement excité les imaginations. Certains journaux de l'époque le décrivent comme un Méphisto qui rêverait de reconquérir le sceptre de Salomon, pas moins. Dans un article de La Presse de mars 1946, on évoque sa garde de circassiens, mais surtout son harem, le plus somptueux de l'Orient, composé de 33 épouses circassiennes. Certaines de ces épouses lui viendraient du sultanat dont l'empire, avant la Première Guerre mondiale, comprenait aussi la Transjordanie. Mais, écrit l'auteur de cet article, Abdallah n'aimait que Leila, une femme arabe d'une cinquantaine d'années, ce qui, en ce pays, est la vieillesse, qui ne fut jamais belle, qui est très autoritaire et joue un rôle important dans la politique transjordanienne. Pourquoi cette préférence? D'une part parce que Leila est la mère de deux princes héritiers, Talal et Nérif, d'autre part parce qu'elle fut la conseillère écoutée du célèbre Saint John Philby, le Laurence transjordanien. On écrit encore que l'émir vit une grande partie de l'année sous la tente, le reste du temps en sa capitale, Amman, dans un palais installé à l'anglaise où il chantonne volontiers de vieilles mélopées en se faisant accompagner à la cornemuse. Le reste de l'article est de la même eau. Plus pénétrant et confirmant ce que M. X nous a dit de lui, ces quelques lignes parues dans le journal Le Monde et signées Pierre Solan. Figure curieuse, le roi Abdallah apportait à la diplomatie orientale tout son talent de joueur d'échecs. Il était ironique, mordant, d'une franchise brutale et tour à tour cajoleur et enveloppant. Nul ne savait vraiment jamais le vrai fond de sa pensée. Un journaliste auquel il venait de tenir des propos incendiaires sur les hommes politiques de tout l'Orient, il déclarait en terminant « N'oubliez pas maintenant que je donnerai le démenti le plus officiel à tout ce que vous allez publier sur notre entretien. » Une question avant de poursuivre. Avez-vous personnellement rencontré un jour l'émir Abdallah ? Non, je le regrette car nous aurions peut-être pu disputer une partie d'échecs. Ah, parce que vous jouez ? Je crois même n'être pas trop maladroit, mais il ne s'agit pas de moi. Si je n'ai pas rencontré Abdallah, c'est que nous, les Français, dans cette partie-là, nous étions hors course et que nous observions la situation de loin. De Beyrouth, par exemple, nous jouissions d'un poste d'observation particulièrement confortable. D'accord, alors reprenons maintenant votre récit. Bien volontiers. Pendant la Deuxième Guerre, vous savez ce qui se passe. Le grand mufti de Jérusalem fait carrément cause commune avec Hitler. Je crois même qu'il se rend à Berlin. Hein. C'est juste. Et tout de suite après la guerre, la tension redouble en Palestine, où les Juifs, et parmi eux des survivants des camps de la mort, réclament la création d'un État hébreu, ce que l'administration anglaise ne semble guère décidée à leur donner, au moins dans un premier temps. Et Abdallah, lui, dans tout ça? D'abord à cause de son attitude loyale pendant la guerre, mais surtout parce que les Anglais se rendent compte qu'ils n'ont plus les moyens de se comporter comme les colonisateurs d'antan. Son royaume accède à la pleine indépendance. Une vraie indépendance? N'exagérons pas. Londres garde la main sur les finances et sur l'armée. Une drôle d'indépendance, en effet. Ah, que voulez-vous? Les Anglais sont comme ça. Ils veulent à tout prix continuer à contrôler la région. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais restons encore avec Abdallah. Il est très inquiet. Et pour quelle raison? Parce qu'il ne veut à aucun prix de la création d'un État juif. De son point de vue, ça se comprend. Oui, oui, mais ce n'est pas pour les raisons que vous supposez. Abdallah sait très bien que si les Juifs obtiennent la création d'un État, les Palestiniens risquent également d'obtenir le leur. C'est d'ailleurs ce que proposera la toute nouvelle Organisation des Nations Unies. Or, ça contrarie l'émir de Transjordanie qui veut annexer la Palestine arabe à son royaume. J'ajoute qu'il y a une autre raison économique, celle-là, et aussi une raison religieuse. Religieuse. Jérusalem. Abdallah est un descendant du prophète. Sa famille s'est fait chasser de Médine et de la Mecque. Aussi, afin de légitimer son autorité religieuse, il veut récupérer Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam. Vous pouvez parler aussi d'une raison économique. Abdallah désire que son pays conserve un accès à la Méditerranée afin de pouvoir exporter sa seule richesse, ses produits agricoles. Et son attitude par rapport aux sionistes? Avant-guerre, m'avez-vous dit, il discutait avec eux. Et en particulier avec Ben-Gourion, oui. Et après-guerre, alors? Il continue. C'est logique. Après tout, leurs intérêts se rejoignent. Les Juifs non plus ne veulent pas d'un État palestinien. Ils vont nouer une sorte d'alliance secrète avec Abdallah pour faire échec à ce projet. Une alliance où vous exagérez peut-être un tout petit peu, non? Non, non, pas du tout. La meilleure preuve de ce que j'avance, c'est l'attitude de la Légion arabe de Gluck Pacha pendant la guerre avec les sionistes. La meilleure armée de la région, la mieux équipée aussi, ne brillera pas par ce fait d'armes. mais elle sera beaucoup plus efficace lorsqu'il s'agira de conquérir ce que l'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie et la partie arabe de Jérusalem. Alors, d'après vous, là, c'est Abdallah avec l'aide des sionistes. Mais bien sûr, la complicité des Anglais. Qui a liquidé donc, ce qui aurait dû être un État palestinien. Oui, un État qui aurait peut-être évité les convulsions de ce dernier demi-siècle et la clochardisation de tous ces Palestiniens chassés de chez eux et réduits à vivre dans des camps de réfugiés. Mmh. Bon, revenons aux Anglais alors. Les Anglais qui portent une lourde responsabilité dans tous ces événements et donc leurs conséquences actuelles. D'accord, mais qu'est-ce qui les fait agir ? Le pétrole. Je vais vous expliquer. Pour simplifier, disons qu'il y a le pétrole sterling et le pétrole dollar. C'est-à-dire le pétrole britannique et le pétrole américain. Le pétrole britannique contre le pétrole américain. Le premier se trouve en Irak et en Iran. Le deuxième se trouve en Arabie Saoudite. Et les deux, pour gagner l'Occident, doivent passer par le canal de Suez. Aucune difficulté pour le pétrole britannique, puisque ce sont les Anglais qui contrôlent le canal. Mmh. Mais pour les Américains, ce n'est pas la même chose, car les droits de péage sont faramineux. Oui, mais ils peuvent toujours contourner l'Afrique en passant par le Cap de Bonne-Espérance. Hein. Bien sûr, ouais. Mais c'est coûteux. Et pour abaisser le prix du transport, il faudrait disposer de supertankers. Alors les Américains ont une autre idée, le pipeline. Mais un pipeline qui irait d'où à où alors ? D'Arabie Saoudite jusqu'en Méditerranée. Cela permettait de raccourcir le trajet du pétrole de presque deux tiers. Et le pétrole dollar deviendrait soudain très concurrentiel, et même moins cher que le pétrole sterling. Cela, vous l'imaginez bien, la Grande-Bretagne ne peut pas l'accepter. Mais on a-t-elle les moyens de pas oui, pas oui, oui parce que le pipeline américain doit obligatoirement passer dans des États sous influence ou domination anglaise. C'est-à-dire Bien la Transjordanie et la Palestine. Ouais. Attendez, ce pipeline pourrait aussi passer plus au nord, hein, en Syrie, par exemple. Oui, vous avez raison, vous allez voir ce qui va se passer. Ah ben, je vous écoute alors. La Syrie est alors indépendante depuis l'éviction de la France, mais les Anglais veillent. Et en sous-main, ils se débrouillent pour soudoyer le nouveau pouvoir syrien. Et dissuader donc celui-ci de donner son accord à la pose du pipeline américain. Et évidemment, ouais. C'est fait de façon très habile, à l'arabe si je puis dire. Les négociations commencées en 1946 traînent, elles n'en finissent pas de traîner. Les Syriens ont toujours un nouvel argument pour s'opposer au pipeline. Un argument suggéré, bien sûr, par Londres. Et ça dure combien de temps, tout ça ? 3 ans. Alors les Américains se fâchent. Et que font-ils là ? Ben, ce qu'ils font toujours dans ce genre de situation, ce qu'ils ont fait à Saint-Domingue, à Cuba ou au Chili. Ils interviennent militairement ? Non, mais ils interviennent à leur façon, en aidant au renversement du gouvernement en place en Syrie. Et en y plaçant un homme à eux ? En tout cas, un homme proche des Saoudiens, ce qui est la même chose. Et celui-là, en l'occurrence, qui est-ce ? Un général, Husni Zaim. Un francophone qui, aussitôt au pouvoir, se donne le titre de maréchal. Écoutez, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Hein. Exactement. C'est d'ailleurs un type capable, un laïc désireux de transformer radicalement son pays et de le moderniser. Mais là n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que 2 mois à peine après son arrivée à la tête de l'État, le maréchal Zaim signe un document autorisant le passage du pipeline américain sur le territoire syrien. À partir de ce moment, vous l'imaginez bien, les Britanniques n'ont de cesse de le faire tomber. Ils vont réussir de façon plutôt sanglante. Il est certain que les Israéliens et les Transjordaniens ont agi de concert pour dépecer la Palestine et empêcher toute création d'un État palestinien. Moshe Dayan a lui-même révélé qu'il avait négocié un accord secret avec Abdallah, accord qui prévoyait même que l'armée israélienne chasse les Égyptiens de Gaza sans que la Légion arabe n'intervienne. Dans un livre intitulé « Le sionisme contre Israël », publié aux éditions Maspero, Nathan Weinstock écrit ceci. L'État juif est né, mais à quel prix ? Le peuple palestinien, victime des tractations engagées à son insu, y perd sa patrie, que s'approprient les ennemis amicaux, Abdallah et Ben-Gourion, au mépris de ses droits élémentaires. La majorité des Palestiniens, expatriés et privés de moyens de subsistance, sont réduits à l'état de déclassés végétant dans la noire misère de ces camps entretenus par l'ONU. La minorité qui est restée dans son foyer forme en Israël une catégorie de citoyens de seconde zone aliénés sur leur propre terre natale. Dégradation atroce d'un peuple entier, morcelé, bafoué, spolié et humilié, au point de perdre jusqu'à sa dignité. L'idéal sioniste se réalise, oh, ironie amère, au prix de la constitution d'une nation sans territoire. Ajoutons que l'union de la Cisjordanie et de la Transjordanie en un seul État, le royaume hachémite de Jordanie, intervient légalement en 1950. Le nouvel État installé de part et d'autre du Jourdain va alors compter une majorité écrasante de Palestiniens. Mais retrouvons M. X. Il évoquait la personnalité du maréchal syrien Zaïm, un chef d'État favorable aux Américains et aux Saoudiens, pour le plus grand déplaisir des Anglais. Concurrence pétrolière oblige. Zaïm dérange, donc il faut l'éliminer. Et vous avez dit de façon sanglante. Oui, écoutez. Une nuit d'août 1949, 5 mois après le coup d'État de Zaïm, des voitures blindées s'arrêtent devant la résidence présidentielle à Damas. Des militaires, dont plusieurs officiers en descendent, armés de mitraillettes. Échangent de coups de feu avec les gardes, puis les assaillants font irruption dans la chambre du maréchal Zaïm et l'abattent aussitôt. Et qui sont ces militaires Des félons, dirigés par le meilleur ami du maréchal, le colonel Hennaoui. J'ajoute que le président du conseil a subi aussi le même sort. Donc ce Hennaoui, a pris le pouvoir. Naturellement. Et immédiatement, il a obtenu du Parlement que l'accord sur le pipeline ne soit pas ratifié. Ce qui prouve à l'évidence que ce nouveau coup d'État n'a été exécuté que pour réaliser cet objectif. Alors d'après vous, c'est Londres? Bien sûr. Le pétrole sterling gagne ainsi la deuxième manche. Et Londres, aussitôt, essaie de consolider sa victoire. De quelle façon, exactement? En ressuscitant l'idée de la Grande Syrie. C'est-à-dire l'union des pays arabes de la région. À l'exception de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite, évidemment. Mais ça devait faire plaisir à Abdallah, ça. Oui, puisque cette union devait se réaliser au sein d'un royaume dirigé par la dynastie hachémite. Qu'advient-il alors? Ce projet est freiné en coulisses par les Saoudiens, eux-mêmes activés par la diplomatie américaine. Et comme malgré tout la Grande Syrie risque de voir le jour, les États-Unis ripostent en finançant un nouveau coup d'État en Syrie. Et exit Hennaoui. Oui, il est renversé par la force. Donc les Américains gagnent la belle, si j'ose dire. Mais vous avez raison, car c'est ainsi qu'il faut voir les choses. La preuve, c'est que bientôt, en novembre 1950, je crois, le pipeline américano-saoudien entre en service. En peu de temps, la production de l'Aramco va quintupler. Le pétrole dollar a définitivement triomphé. Mais est-ce que les Anglais... Pardon. Mais est-ce que les Anglais vont se résigner pour autant? Non, ça serait mal les connaître. Hein. Mais un peu partout dans ces pays arabes où ce rêveur ou cet apprenti sorcier de Laurence avait voulu édifier ses 7 piliers de la sagesse, les Britanniques subissaient les coups du nationalisme et du fanatisme religieux. Et le seul pilier anglophile qui tenait encore debout en ce début des années 50, c'était la Jordanie du roi Abdallah. Alors, ce n'est pas du tout un hasard si on a fini par s'attaquer à lui et à l'éliminer lui aussi. Alors qui? Là, vous avez le choix. Expliquez. Les Palestiniens proches du Mufti ne lui avaient pas pardonné d'avoir torpillé la création d'un État palestinien. Oui. Les Égyptiens n'avaient pas digéré sa tentative de faire une grande Syrie sans eux et d'avoir pactisé avec les sionistes. Les Saoudiens étaient ses ennemis depuis toujours. Quant aux Américains, vous avez bien vu quel rôle ils ont joué pour détrôner le pétrole sterling. Et vous avez oublié les Israéliens. Et là, c'est plus compliqué quand même. Le gouvernement hébreu avait besoin d'Abdallah pour maintenir une certaine stabilité dans la région et contenir les Palestiniens. Mais les sionistes encore plus irréductibles, en quelque sorte les pères des intégristes d'aujourd'hui, qui établissent de nouvelles colonies en Cisjordanie, considéraient que la Bible était une sorte d'acte de propriété et que toute la Palestine devait un jour ou l'autre devenir juive. Alors tout ça, n'est-ce pas, ça fait quand même beaucoup de monde. Oui, mais alors qui a réellement tenu la main des assassins, quoi? Je ne sais pas vraiment, mais j'observe que les commanditaires de l'assassinat d'Abdallah savaient parfaitement que son successeur sur le trône, son fils Talal, était lui résolument anglophone. Alors les Américains encore? Pourquoi pas, hein? Et les assassins eux-mêmes, enfin, je veux dire, les hommes de main? Des proches du grand mufti. Mais ces gens-là pouvaient avoir été manipulés par n'importe qui. Quand on veut assassiner quelqu'un, surtout dans ces pays, on trouve toujours des types suffisamment fanatisés pour effectuer la sale besogne. Des types à qui on se débrouille pour donner de bonnes raisons d'agir. Et comment ça s'est passé, très exactement? Ce jour-là, au mois de juillet 1951, Abdallah avait décidé de se rendre dans la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem. Et pourtant, il avait reçu de nombreuses mises en garde. Des gens qui savaient qu'il était menacé. Oui, mais Abdallah n'a pas voulu en tenir compte. Et il a été abattu de plusieurs balles de revolver alors qu'il entrait dans l'édifice religieux. Donc son fils Talal, c'est ça, l'anglophobe, lui a succédé? Bien sûr. Mais écoutez-moi bien. L'affaire est complexe et je suis à peu près sûr que les services anglais n'ont pas dû rester inactifs. Talal était malade. Quel genre de maladie? Officiellement, il souffrait de schizophrénie et passait la plupart de son temps à se faire soigner en Suisse. C'est un peu bizarre, votre officiellement, là, non? Oui, car vous n'ignorez pas qu'on peut aussi rendre les gens malades. Vous pensez qu'on aurait sciemment provoqué la maladie de l'héritier d'Abdallah? Pourquoi pas? Son anglophobie étant patente, c'était tentant, non? Je crois que vous allez quand même un peu loin, là. Pas du tout. Je ne dis pas que Talal était un type mentalement très solide. Mais à mon avis, c'était facile d'accentuer son déséquilibre. Et d'ailleurs, il ne va pas rester longtemps au pouvoir. À cause de cette maladie? Évidemment. Une folie, provoquée ou pas, qui arrangeait bien les Anglais, je vous assure. Parce que d'emblée, Talal a montré qu'il n'entendait pas s'en laisser compter par la Grande-Bretagne. Qu'a-t-il fait? Eh bien, par exemple, à peine monté sur le trône, il a voulu démettre le célèbre Glub Pacha du commandement de la Légion arabe et dissoudre cette dernière. Totalement inacceptable pour Londres. Donc Talal, à son tour, va être écarté, mais comment va-t-il quitter le pouvoir? Le Parlement jordanien, arguant de son état mental, le démet et nomme à sa place son fils aîné, le jeune Hussein, qui, hasard sans doute, est très anglophile, comme sa mère d'ailleurs. C'est ce Hussein qui, à ma connaissance, règne toujours sur la Jordanie. Lui-même, le petit roi, comme on l'a appelé. Un type qui a une sacrée baraka, car il a échappé à plusieurs attentats, mais c'est une autre histoire. J'ai retrouvé un éditorial du Monde consacré à l'assassinat du roi Abdallah. J'en extrais ces quelques lignes. Le souverain hachémite est mort victime de ses illusions. Lui seul croyait encore que la réalisation d'un royaume hachémite raviverait un passé plein de gloire. Tout à ses chimères, il négligeait les fossés que constituaient des frontières tracées depuis 30 ans, ignorait par exemple la prodigieuse transformation subie par la Syrie depuis le jour où l'état-major anglo-hachémite caracolait en vainqueur dans les rues de Damas. Après la guerre de Palestine, on put croire un instant que son rêve allait se réaliser. Ses troupes avaient occupé la vieille ville de Jérusalem et dès 1948, il annexa la Palestine arabe à ses états. Ce jour-là, il signait son arrêt de mort. Pour ceux qui touchent une éventuelle responsabilité des sionistes dans la disparition d'Abdallah, il faut bien reconnaître que la conquête de toute la Palestine n'a vraiment jamais été absente de l'esprit des dirigeants israéliens. Ainsi, en 1950, alors même que des contacts secrets continuaient à exister entre Jordaniens et Israéliens, le ministre hébreu des Affaires étrangères déclarait que le sort de la Cisjordanie, annexée par Abdallah, restait pour Israël une question ouverte. À samedi prochain sur France Inter pour un nouveau rendez-vous avec X.